Les éditions de l'avenir présentent le PC Show avec Paul Courtemèche. Well, the boys, well. Et plus endurable, ma mère, mes jeunes. Ça a plus d'allure. Être pogné de même, en cabanier tout ce temps-là avec elle, sans sortir, sans voir un chat, et pas même picard. Ah, j'suis assez pour virer de sourd. Je sais plus quoi c'est faire, mes jeunes. Je sais bien plus. Tout ça pour nous protéger. Nous autres, les vieux. Comme si on avait besoin de protection. Vous êtes bien fait. Plein de bonnes intentions, mes jeunes. Mais je pense qu'il y a quelque chose que j'avais pas compris. On est vieux. On a vécu. Longtemps. On n'en a plus des responsabilités. Nos enfants sont tous grands, avec des jobs, des familles. C'est plutôt eux autres que vous devriez protéger, mes jeunes. C'est ceux qui ont des enfants. Nous autres, on l'a fait, notre vie. Puis à trop vouloir nous protéger, vous êtes en train de nous faire mourir d'ennui. Je m'ennuie de sortir dehors. Je m'ennuie de voir mon petit voisin, pis le radio, pis le petit casse, pis l'anglais, pis Madame Coudon. Je m'ennuie, mes jeunes. Vous comprenez tout ça? Je m'ennuie à pu endurer ma mère. Je m'ennuie à vouloir défoncer les murs. Je m'ennuie à pu vouloir me réveiller le lendemain matin quand je me couche le soir. Vous comprenez tout ça, mes jeunes? Faut que ça arrête, mes jeunes. Faut que ça arrête. Faut que ça arrête.